Chapitre 12e. Scaramouche, joyeux de se voir à l'abri de toute poursuite, ne songea même pas à se demander ce qu'il ferait à Malte. Son industrie l'avait toujours si merveilleusement tiré d'embarras que du moment où sa vie et sa liberté n'étaient plus menacées, le reste ne lui parut point valoir la peine qu'il s'en inquiétât. Sa physionomie et la jovialité de son humeur plurent au capitaine, qui lui offrit le couvert. Tiberio, on le sait, n'était pas homme à faire fi d'une pareille aubaine. Il usa et abusa de l'invitation. À la même table était admise une jeune dame espagnole d'une grande beauté. Scaramouche et son hôte, Pérezzo, c'était le nom du capitaine, sentirent bientôt fondre les glaces de leur cœur aux brûlantes œillades de la signora Elvira. Mais celle-ci ne prêta pas une égale attention aux soupirs de ces deux sigisbées. Séduite par la taille avantageuse et les manières plaisantes de Scaramouche, ce fut sur lui qu'elle résolut de fixer son choix, secrètement, néanmoins, afin de ne point s'exposer aux conséquences terribles de la jalousie du seigneur Pérezzo. Un soir, tandis que notre comédien, après le souper, arpentait le tillac en regardant scintiller les étoiles qu'il comparait aux yeux de la belle espagnole, la suivante d'Elvira s'approche de lui mystérieusement et lui glisse ces mots à l'oreille. « Seigneur cavalier, ma maîtresse m'a chargé de vous dire qu'elle s'ennuyait fort toute seule dans sa cabine. » Considérant qu'après le plaisir de bien manger, il n'en est pas de plus vif que celui de distraire une beauté qui s'ennuie, Scaramouche descend inaperçu dans l'entrepont et pénètre dans la cabine de la seigneure. Ils en étaient à se répéter pour la deuxième fois des protestations d'amour qui paraissaient toujours nouvelles, lorsque soudain éclata une violente bourrasque. Elvira, troublée par les sifflements du vent, le bruit des vagues et les cris des matelots, s'écrie en repoussant au loin Scaramouche « Retire-toi, nous avons offensé le ciel, et le ciel nous punit !» Puis elle tombe à genoux, se signe, récite tout ce qu'elle sait de prière, et ne s'arrête par moments que pour presser contre ses lèvres une amulette qui doit la préserver du naufrage. Quant à Scaramouche, il se tient blotti dans un coin, osant à peine respirer et faisant trépiteuse mine. Cependant, une accalmie succède à la bourrasque. Elle gagne aussi le cœur de l'Espagnol, qui retourne gracieusement sa tête du côté de Scaramouche et lui dit de sa voix la plus tendre « Revenez, mon cœur, mon âme, revenez, mon bien-aimé Tiberio. » Le galant ne se le fait pas dire deux fois, mais il ne s'est pas plutôt jeté aux genoux d'Elvira qu'un second coup de vent, plus violent que le premier, ébranle le vaisseau. L'Espagnol, éperdu, se jette la face contre terre. Scaramouche essaye de la rassurer. Elle se relève comme une lionne furieuse et jette à la porte le bien-aimé en lui criant « Hors de ma vue, maudit, c'est toi, réprouvé, qui attire sur nous les foudres célestes !» Tiberio remonta, très mortifié, sur le pont, où chacun travaillait à combattre les efforts de la tempête. Pour alléger le navire, qui menaçait de sombrer, le capitaine avait ordonné de jeter à la mer une partie des bagages et des marchandises. Le coffre où s'entassaient les effets de Scaramouche avait un des premiers été lancé par-dessus le bord. Qu'on juge de sa fureur, lorsque, le calme étant revenu avec le jour, il put s'apercevoir d'un désastre que sa présence eût peut-être empêché. Sa colère s'exhala en imprécations de toutes sortes contre le capitaine, auteur de sa ruine, et contre la sirène, dont les séductions l'avaient éloigné du tillac, où il aurait dû rester pour veiller sur son bien. Vivement contrarié déjà par la nécessité de sacrifier ses marchandises, et cédant aux inspirations d'une jalousie trop motivée, le seigneur Pérezzo d'un bond sauta sur celui qu'il regardait comme un rival heureux, le roua de coups, et le fit déposer à terre sur un point de la côte de Sicile hérissé de rochers et déserts. Scaramouche ignorait complètement dans quel lieu il était abandonné. Partout autour de lui une terre inculte, des sites sauvages. Pas un vestige d'habitation, pas même la trace d'un pas humain. Il se regarda comme voué à une mort prochaine et se prit à pleurer comme un enfant. Cependant, l'instinct de la conversation finit par relever son courage. Il gravit une colline et parvint à un étroit plateau d'où il put contempler avec avidité les débris d'un festin épars sous la terre, à côté de cendres encore chaudes. Tout à coup, Un cri de joie s'échappa de sa poitrine. Il venait d'apercevoir des hommes. C'étaient d'honnêtes pêcheurs de corail qui l'accueillirent fraternellement et consentirent par humanité à le conduire à Palerme, moyennant une somme de 10 pistoles longtemps débattues.